La discrétion. Partie 1 de 2. Avertissement, par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. L'individu qui vit la fusion avec l'esprit est appelé à développer une capacité de faire preuve de discrétion, s'il ne l'a pas déjà, étant donné que le processus de la fusion, c'est-à-dire de l'intégration de l'énergie de son esprit, la communication avec lui, c'est un processus individuel que ce n'est pas l'ensemble de l'humanité qui va vivre ça d'une manière simultanée. Donc, autrement dit, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui se parle ouvertement, parce qu'il va perdre de l'énergie s'il parle du processus de la fusion avec des gens qui ne sont pas concernés par lui. Donc, autrement dit, avant de parler de fusion avec des gens, il doit faire une lecture vibratoire pour valider, à partir de la communication interne qu'il a avec son esprit, si c'est pertinent ou non de le faire en fonction d'une personne particulière. Comme le processus de la fusion, c'est un processus qui se vit sur une base individuelle, eh bien, s'il parle de fusion avec quelqu'un, c'est du cas par cas, donc c'est déterminé sur une base individuelle. Et cela fait en sorte que, à la différence de d'autres processus ou d'autres choses qu'il peut vivre, eh bien, il doit apprendre, si ce n'est pas déjà fait, à faire preuve de discrétion, dans le sens que lorsque l'individu, par exemple, étudie, eh bien, il peut parler des autres étudiants, des choses qu'il apprend parce que ça se vit sur une base intellectuelle et la plupart de l'humanité ont développé des capacités intellectuelles. Ou s'il s'achète une voiture ou là, quelque chose de nouveau, souvent les gens, quand ils vivent une nouvelle expérience ou se procurent une nouvelle chose comme un nouvel ordinateur, vivent de l'enthousiasme et à ce moment-là, ont le goût de partager ce qu'ils vivent aux autres pour intégrer leur vécu, leur expérience, en le verbalisant, et c'est tout à fait normal. Sauf que lorsqu'il vit la fusion, étant donné que ça ne s'adresse pas à la plupart des gens, comme les choses qu'ils peuvent percevoir sur le plan physique, comme une voiture, eh bien, ils sont obligés de garder ça pour eux ou d'en discuter seulement avec des gens qui sont concernés vibratoirement par le processus. Et pour savoir si ces gens-là, ils sont concernés, eh bien, il doit faire une lecture vibratoire 2, ce qui fait en sorte que c'est une façon totalement différente d'intégrer une nouveauté que la manière qu'il pouvait le faire durant son passé. La discrétion liée au processus de la fusion s'explique parce que ce n'est pas toute l'humanité qui va vivre le processus d'une manière simultanée. Et si on parle de fusion à des gens qui ne sont pas concernés, ils ne seront pas en mesure d'intégrer l'information s'y rapportant, et plus particulièrement la vibration de l'esprit qui peut transparaître dans des propos qu'ils ne percevront pas étant donné qu'ils ne sont pas branchés eux-mêmes sur leur propre esprit d'une manière volontairement consciente. Comme le semblable ne peut qu'être connu par le semblable, comme le dit un célèbre adage philosophique, eh bien, si la personne ne vit pas elle-même le processus de la fusion qui lui donne accès à une sensibilité vibratoire, elle n'est pas en mesure de faire une lecture vibratoire des propos de l'autre personne pour déterminer s'ils sont ajustés ou non. Ce qui fait en sorte qu'elle peut soit croire les propos ou en douter, mais elle n'est pas en mesure de savoir en s'appuyant sur une base vibratoire si ce que dit l'autre personne est réel et à ce moment-là, de lui présenter d'informations vibratoires qu'elle n'est pas en mesure de vérifier, eh bien, ça peut comporter certains risques. D'ailleurs, c'est l'une des raisons qui fait en sorte que, présentement, sur cette chaîne, vous avez des vidéos avec un avertissement en début d'enregistrement sur l'importance de ne pas croire pour éviter la dérive de croyance qui peut se rapporter à des informations qui sont présentées au fil de ces enregistrements sur cette chaîne qui ne sont pas nécessairement vérifiées et validées par l'état de la science actuelle. Donc, aussi, ce qu'il faut mentionner, c'est que par rapport à la discrétion, l'individu peut parler de conscience s'il en a la capacité de juger que c'est pertinent avec des gens de son environnement. Et puis, il doit faire preuve de discrétion. Donc, ça peut être difficile parce que ça se peut qu'il ne puisse pas en parler avec les gens qu'il côtoie au travail, avec certains membres de sa famille, avec certains amis qu'il a depuis longue date. Ce qui fait en sorte qu'il doit se donner un espace pour intégrer le processus de la fusion. Ça peut être à travers de l'écriture d'un journal personnel. Ça peut être également à travers l'espace web d'Internet et de produire des enregistrements où il présente l'information qui lui sont des informations qui lui sont diffusées dans le mental. Ça peut être à travers de textes et de capsules audio. Et puis, s'il diffuse ça sur Internet, eh bien, il doit être quelque part vigilant, dans le sens que, par exemple, de produire un avertissement qui indique que l'écoute des enregistrements, faut pas croire ce qui est dit, ça peut être très utile pour protéger le public de lui-même, dans le sens que ses propos ne soient pas mal interprétés. Sinon, ben, Internet, comme le fait qu'en général, les gens qui cliquent sur un enregistrement le font par intérêt. Donc, autrement dit, si on s'appuie sur le principe que les gens qui vont écouter des enregistrements qui portent sur la conscience parce que quelque part ils sont concernés, ça leur dit intérieurement d'écouter ce type d'enregistrement, ils ont la sensibilité pour ça. À ce moment-là, c'est pertinent que des gens aient accès à des enregistrements qui portent sur la conscience sur Internet, dans le sens que lorsque l'individu est appelé réellement et sincèrement à vivre la fusion, eh bien, à ce moment-là, l'esprit à l'intérieur de lui s'active et lui achemine des pensées pour l'amener à s'intéresser à de la conscience. Ça peut l'amener, lorsque l'individu est prêt, à s'intéresser à des livres, à des documentaires, à des enregistrements que ça ne lui aurait pas intéressé dans le passé. Autrement dit, lorsque l'individu avait 12 ans ou 18 ans, il est possible que il n'a jamais eu l'idée même de s'intéresser à la question de l'esprit, de l'âme, de la fusion, et qui était intéressé à d'autres choses. Ça peut être les jeux vidéo, jouer à des activités sportives. Et puis, à un moment donné, un petit peu plus tard dans sa vie, il peut être confronté à une situation difficile, un choc qui est créé par son propre esprit pour bouleverser son ego et l'amener dans le mental à s'intéresser d'autres choses qu'il ne l'intéressait pas jusqu'alors. Donc, à ce moment-là, ça peut lui dire intérieurement de faire des recherches sur l'esprit, l'âme, l'ego, la fusion, ces choses-là. Et là, ça devient pertinent qu'il ait accès à ces types d'enregistrements-là parce que ça fait partie de son vécu de s'intéresser à ces choses-là. Et il a un travail d'intégration vibratoire à faire et ce type d'enregistrement peut servir à l'accompagner pendant le processus d'intégration de vibration. Bien entendu, ce type d'enregistrement-là n'est pas le point d'origine, n'est pas l'élément moteur, mais il est plutôt l'élément accompagnateur parce que le processus de la fusion d'un individu est toujours entamé par son propre esprit. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais pour revenir au sujet de cet enregistrement qui est la discrétion, c'est que l'individu ne peut pas parler ouvertement à tout le monde du processus de conscientisation qu'il vit et ça l'amène à développer la capacité à faire une retenue d'informations pour éviter de créer des chocs inutiles à des gens qui seraient exposés à une vibration ou à un savoir qu'ils ne seraient pas en mesure d'assumer. Parce qu'au niveau de l'esprit, le principe suivant a préséance sur le principe de la transparence. En ce sens que le principe de la protection des gens et d'éviter que les gens deviennent dysfonctionnels en leur présentant trop d'informations qu'ils ne soient pas capables d'assumer. Donc, mieux vaut retenir de l'information que d'exposer des gens à une trop grande quantité d'informations qui pourraient les amener à ne plus être capables de fonctionner en société parce que n'ayant pas la structure énergétique pour supporter adéquatement l'information, sans sombrer dans un état de déchéance psychique. Donc, autrement dit, l'information doit être dévoilée progressivement. Et c'est d'ailleurs dans cet esprit que les enregistrements qui sont sur cette chaîne sont produits, dans le sens que certaines choses sont dites pour les gens sur le web qui vivent le processus, mais pas nécessairement tout. Parce que le dévoilement de l'information doit se faire progressivement à l'échelle du globe en respectant la sensibilité et la capacité d'intégration de la population. Donc, ça doit se faire progressivement. Ce qui fait en sorte que la capacité de faire preuve de discrétion va faire que l'individu, lorsqu'il rencontre une personne, il se fait poser une question. Par exemple, qu'est-ce que l'âme? Il peut donner une réponse. Et s'il rencontre une autre personne avec un autre niveau vibratoire et qui lui pose la même question, l'autre personne peut avoir une réponse différente. Et s'il rencontre une troisième personne avec une grande capacité d'ouverture, une grande sensibilité vibratoire, une grande colonne psychique, une grande capacité de soutenir l'information sans être déstabilisé par elle, eh bien à ce moment-là, si la personne a une grande stabilité mentale, elle peut à ce moment-là recevoir une explication beaucoup plus approfondie que les deux autres personnes qui ont posé la question. Parce que l'esprit communique aux gens en fonction de leur capacité à assumer l'information dans mesure du possible sans sombrer dans la folie. Et plus que l'individu est stable mentalement, plus qu'à ce moment-là, il peut recevoir une très grande quantité d'informations, plus qu'il est un mode de fonctionnement psychique de type vibratoire, moins il réfléchit l'information, moins il la réfléchit, moins à ce moment-là l'information peut être reprise dans sa psyché à plusieurs moments pour créer des chocs. Parce que la réflexion, c'est de reprendre une information et de la ramâcher plusieurs fois dans son mental. Et si on réfléchit beaucoup l'information, bien, ça lui donne de l'importance dans notre mental. Et si cette information est polarisée d'une manière négative par la subjectivité de l'ego, bien, ça crée un choc. Alors que si l'individu est totalement neutre à l'égard de l'information qui est présentée, en lui donnant aucune valeur psychologique, aucune réflexion s'y rattachant, eh bien, à ce moment-là, l'individu est en mesure d'intégrer intégralement l'information, ce qui fait en sorte que beaucoup de choses peuvent lui être présentées.